Des fois il m'en faut un, des fois il m'en faut deux. Des fois je te fais un royal et je te le coupe à la belle. M'a rendu paranoïaque, je l'ai trop chargé. Et vas-y balané, yank. T'as trop changé, ma PS elle est belle et je vais t'en faire un de danger. Moi je te disais fais belle et tu me disais t'as craqué. Je t'ai vu par la fenêtre quand tu t'es embarqué. Je te dis mais passe haut, tu vas me faire remarquer. Je sais pas ce qui se passe ici, le cous. Avant c'était Pontelza, changé Marseille. Je fais de la musique, le cool, c'est dur. J'ai faim de faire des sons, je regarde même plus en arrière. Hier soir, je rodais seul en ville. Tu vois tout ce que je pensais. Tu sais, Marseille, c'est un petit village. Ici, ça parle pas français. Hier soir, je rodais seul en ville. Tu vois tout ce que je pensais. Tu sais, Marseille, c'est un petit village. Ici, ça parle pas français. Attends, poteau, je suis pas tout seul au bar. Faut que j'en mette la mienne, on va finir sur le comptoir. Qu'est-ce que tu me racontes tes histoires, je te connais même pas d'un soir. Faut que j'entre dans le délire, je crois ce soir je vais boire. Elle piste trop, je vais lui dire viens t'asseoir. Je vais la traîner au télo, après demain je vais te voir. Des fois j'en bois un, des fois j'en bois cinq. Des fois je commence par un flash et je finis à la bouteille. Des fois elle me met bien, des fois elle me met bleu. Des fois je dis à la cerveuse, y'a rien rajouté un peu. Des fois elle fait trop la nerveuse, quand ça lui nique le feu. Des fois elle fait trop la nerveuse, quand ça lui nique le feu.